je vais me cacher. Là où je vais, tu ne me trouveras jamais. Je ne veux pas aller. Là où je vais me cacher. Là où je vais, la rosée est de sang. Je ne suis qui sait.